France Inter, franceinter.com. C'est l'histoire d'une dérive, mais une dérive presque obligée. Le climat de violence, la culture du secret, un recrutement peu scrupuleux, ont conduit presque naturellement le SAC à s'engager dans des voies de plus en plus tortueuses, de plus en plus douteuses. Pourtant, à l'origine, le SAC n'est qu'une association, loi de 1901, destinée à soutenir l'action du général de Gaulle. Rien de répréhensible donc. Mais déjà dans l'ombre, ses dirigeants, dont le célèbre Jacques Foccart, veulent faire de ce mouvement une police parallèle chargée de surveiller les opposants et de prévenir toute contestation. Une officine qui, au fil du temps et des événements, infiltre la police et ses services secrets, mais qui est aussi amenée à lancer des ponts vers le milieu pour accomplir ses besognes les moins honorables. C'est ainsi, par exemple, que le caïd lyonnais Jean Auger devient aussi le chef régional occulte du SAC. Un compagnonnage dangereux, car il est évident que les malfrats recrutés se soucient bien peu de politique et ne se servent du SAC que pour faire prospérer leurs propres affaires. La carte tricolore du service est en effet un vrai sésame. Et les différentes tentatives d'épuration de l'organisation n'y peuvent, mais le ver est dans le fruit. En 1968, nous l'avons vu la semaine passée avec M. X, le SAC contribue de façon relativement efficace à la reprise en main et au sursaut gaulliste. C'est le SAC qui, en particulier, a organisé la grande manifestation du 30 mai qui a scellé la véritable fin du mouvement de contestation. M. X poursuit donc son récit sur l'histoire du SAC, une histoire qui se terminera tragiquement en 1981 à Auriol par un vrai massacre. C'est rien. On nous informe vraiment sur rien. Adam avait-il un nombril? On nous cache tout, on nous dit rien. Socrate a-t-il vu sa ciguë? L'aventure est-elle au coin de la rue? On nous cache tout, on nous dit rien. La vérité sur Dagobert, quel était son manager? On ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien. La vérité sur la palisse. Quand c'est rugueux, c'est pas lisse. On nous cache tout, on nous dit rien. Et l'affaire du masque de fer. Est-ce que Louis XIV était son frère? On nous cache tout, on nous dit rien. La vérité sur l'obélisque. A-t-il été déclaré au fisc? L'affaire Machin, dont on ne retrouve pas l'assassin. On nous cache tout, on nous dit rien. On nous cache, cache, cache tampon. Colin Maillard et Tartampion, ce sont les rois de l'information. On nous cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. La grande trouille effacée, ben il faut maintenant penser aux élections, puisque De Gaulle a dissous l'Assemblée nationale. La grande trouille, hein, c'est mai 68. Bien entendu. À l'occasion de ces élections, le SAC va à nouveau jouer sa partition. Et dans certaines circonscriptions, comme à Levallois-Perret, où se présente Charles Pasqua, c'est très chaud. Pasqua qui est alors, il faut le rappeler, hein, vice-président du SAC. Hein. Mmh. Et chaud, ça veut dire quoi? Ben, on voit circuler des hommes armés qui n'hésitent pas à tirer sur leurs adversaires communistes. Ça prend même de telles proportions que le candidat est obligé de calmer ses hommes de main. Candidat Charles Pasqua. Oui, j'ai cité Levallois, mais j'aurais pu aussi évoquer d'autres villes. En tout cas, le résultat est celui que vous connaissez, les gaullistes triomphent dans les urnes. Ce qu'on a appelé une chambre introuvable. Hein. L'effet trouille a incontestablement joué. Enfin, avant de poursuivre, là, un mot sur un point que nous n'avons pas développé la semaine passée. Je veux parler des stades. Ah, je vois ce que vous voulez dire. Le SAC aurait imaginé d'appréhender les gauchistes et de les enfermer dans les stades. Ouais, ainsi que le feront les militaires de Pinochet en 1973. Eh bien, je crois que même si cette idée a germé dans quelques cerveaux de type du SAC, il n'y a pas eu le moindre commencement d'exécution. Alors, une rumeur ? Je le pense. Autre point que j'ai oublié, les responsables du SAC ont aussi créé d'autres organisations, des faunées, les CDR, par exemple. Des comités pour la défense de la République chargés de regrouper les gaullistes ou sympathisants gaullistes désireux de s'opposer à la contestation gauchiste. Et puis aussi l'UNI, Union Nationale Interuniversitaire, un syndicat d'étudiants et de professeurs créé pour contrer l'UNEF ou les syndicats d'enseignants. Il faudrait aussi parler de quelques syndicats ouvriers qui sont en réalité des milices patronales. Le SAC a donc essaimé. Oui, mais ça n'a pas abusé grand monde. On savait qui se trouvait derrière ces organisations. Mais revenons à l'histoire du SAC. Après la tourmente de mai 68 et les élections triomphales de juin, De Gaulle remercie Pompidou et nomme un nouveau Premier ministre, Couve de Murville. Au SAC, on est inquiet. Bah, ce protestant austère risque de ne pas être aussi accommodant que Pompidou, qui a toujours soutenu le SAC et même alimenté ses caisses grâce aux fonds secrets. Pompidou qui, d'ailleurs, avant de quitter Matignon, accordera un confortable subside au service. Et Focard, lui, garde sa place de conseiller à l'Élysée. Bien entendu. Et dans le nouveau cabinet, beaucoup de ministres sont très favorables au SAC. Il n'empêche que l'inquiétude est grande chez les militants. Une inquiétude exacerbée par une affaire qui va susciter un grand trouble chez les gaullistes. Je veux parler de l'affaire Markovitch. Ah, et du scandale dans lequel on a essayé d'entraîner Pompidou et son épouse. Hein. Enfin, je n'y reviens pas dans le détail, nous en avons déjà parlé. Je vous rappelle simplement que Pompidou avait suscité la colère de De Gaulle en déclarant ouvertement que le moment venu, il serait candidat à la succession du général. C'est peut-être enterré un peu vite ce dernier. Et pour les gaullistes, pur et dur, c'était impardonnable. Une véritable offense au chef de l'État. D'autant que ces gaullistes historiques n'avaient vraiment jamais accepté Pompidou qui venait de l'université et de la banque et n'avait pas été résistant. Et certains de ces gaullistes se sont saisis de l'affaire Markovitch, qui n'était à l'origine qu'un vulgaire fait divers, pour essayer de compromettre Pompidou et de le salir auprès du général et de son épouse, dont la morale était particulièrement sourcilleuse. C'est exactement ça, une manœuvre qui a été montée de toutes pièces avec des photos truquées, des insinuations en tout genre. Et derrière, en dehors de ces gaullistes historiques, il fallait bien des soutiers pour fabriquer ce dossier nauséabond. Et du côté des pompidoliens, on a immédiatement pensé aux gens du SAC, dont certains copinaient avec des types du SDEC, dont on a mis de Pasqua qui a de sérieux ennuis aujourd'hui. Ah ouais, je vois de qui vous voulez parler là, Marcani, c'est ça. Hein. Mais Focard, aurait-il pu être mêlé à ce complot anti-Pompidou? Bah, s'il a jugé que l'ancien Premier ministre avait gravement manqué au général, pourquoi pas? Mais, je l'avoue, j'ai un doute. Car les deux hommes étaient quand même assez liés. Pompidou avait par exemple accepté d'être président d'honneur du SAC. En outre, lorsqu'il sera élu à la présidence de la République, il gardera Focard à l'Élysée. Et pourtant, au cours de la campagne présidentielle, ce dernier a été violemment attaqué et présenté comme le deus ex machina de toutes les affaires obscures de la Ve République. Ouais. Alors, Pompidou, lui, conserve son poste malgré tout. Et alors, toujours pour s'occuper de l'Afrique? Mais pas des services de renseignement. Ah, ouais. Alors, si Focard avait comploté contre lui, l'aurait-il gardé? Focard était peut-être indispensable. Hein. Il connaissait tellement de choses et puis il avait noué des liens personnels avec un grand nombre de chefs d'État africains. C'est vrai. Ouais. Donc, il était peut-être difficile de se passer de ses services. D'autant qu'à Colombey, le général n'aurait pas apprécié. Toutefois, Deux éléments font penser que Pompidou a soupçonné le SAC et ses responsables d'avoir joué un rôle dans l'affaire Markovitch. D'abord, après la démission du général de Gaulle en 1969, Pompidou est à peine élu qu'il demande à Focard de mettre de l'ordre dans le service et d'éloigner les brebis galeuses. Les truands. En particulier. Une parenthèse ici. Quelques jours après sa démission, de Gaulle écrit à Paul Comity, qui dirige alors le SAC, pour le remercier. Remercier pour son action. En particulier en mai 68. Ah, oui. Ça signifie que le général, malgré la réputation douteuse du service, n'avait pas peur de reconnaître ses mérites. Alors, je reprends. Focard doit aussi régler des conflits à la tête même du SAC, parce que ça grenouille. Ah, oui. Ouais. Pasqua, par exemple, a tendance à ruer dans les brancards et à s'opposer à la direction. Il cherche même, avec l'aide de certains députés gaullistes, de fomenter une scission. Pourquoi alors? Pour mieux s'emparer de l'organisation? Certainement. C'est pourquoi, à l'initiative de Focard, le premier président du SAC, Pierre de Bizet, va revenir au premier rang et reprendre la place qu'il avait laissée à cause de son désaccord avec la politique algérienne du général. Alors c'est de Bizet qui va donc être chargé de l'épuration? C'est ça. Ensuite, Pompidou nomme l'un de ses proches à la tête du SDEC. Service de renseignement. Mmh. Et c'est Alexandre de Maronche. Et là aussi, il est question d'épuration. Et ce n'est certainement pas un hasard si Marchiani et quelques autres sont virés. La rancune de Pompidou. Ça. Certainement. Et il avait été profondément blessé par l'affaire Markovitch. Et surtout par le fait qu'on s'était attaqué à son épouse. Oui, il paraît. Gardait même sur lui une petite pochette de cuir dans laquelle il avait rangé une fiche avec le nom de tous ceux qui avaient comploté contre lui. C'est exact. Ouais. Est-ce que cette reprise en main du SDEC est aussi une sorte, comment dirais-je, de défocartisation de nos services secrets? Ça y ressemble, en tout cas. Songez que Focard, qui a si longtemps fait la pluie et le beau temps au SDEC, apprend la nomination de Maronche par la presse. Et Pompidou ne l'a pas prévenu? Non, alors qu'il se voyait très souvent. Focard en est ulcéré, d'autant qu'il apprendra un peu plus tard que l'Élysée a chargé Maronche de débusquer au sein du SDEC les réseaux Focard. Alors, ça veut quand même dire que les relations entre Focard et Pompidou étaient très ambiguës. Absolument. Hein. Ouais. Mais je m'éloigne, car je vous l'ai promis, nous consacrerons tout un entretien au seul personnage de Jacques Focard. Ce dernier doit donc procéder à une purge au sein du SAC. Sur ordre de Pompidou. Hein. Pompidou, qui est alors poussé par son ministre de l'Intérieur, Raymond Marcellin, qui, après avoir en vain tenté de faire dissoudre le SAC, essaiera aussi de persuader Focard d'en changer le sigle. Ah là, mais Marcellin, là, pourquoi cet acharnement? Le ministre, qui s'est aussi illustré dans la lutte contre le gauchisme, considérait, non sans raison, que le service était une officine de renseignement et de police parallèle. Ouais. Alors, si j'ai bien compris, en tout cas, ce sera donc simplement une épuration. Mais quand même, en tant que ministre de l'Intérieur, Marcellin veut mettre fin au trafic de cartes à bandes tricolores et même de vraies fausses cartes de police au sein du SAC. Des cartes qu'on pouvait même acheter dans certains bars de Pigalle. Mais est-ce que cette épuration-là a été menée sérieusement ou bien a-t-elle été, comme les précédentes, qu'un coup d'épée dans l'eau? Non. Là, et de Bizet, qui était un homme d'ordre, y a veillé personnellement. On a éliminé des dizaines, peut-être même des centaines de malfrats. Mais l'opération était dangereuse, car un certain nombre de truands n'étaient pas du tout décidés à perdre d'un jour à l'autre la protection dont ils jouissaient. Et l'un des hommes, chargé de la purge, va même y laisser la vie. Liberté, liberté, qu'as-tu fait, liberté, pour cela qui voulait te défendre? Les voilà tes amis, ils étaient trop petits, et demain le bourreau va les pendre. Ils aimaient bien leurs enfants, ils aimaient bien leurs parents, et pas qu'un peu le vin rouge et l'amour, mais quelque chose manquait qu'il ne pouvait expliquer. Et c'était toi, liberté, des beaux jours, avec une rose au chapeau, bien plus jolie qu'un drapeau. Droit devant eux, à jour sans sont allés, mais ils n'ont pas fait quatre pas que les sergents de visage, liberté, l'un joyeux, l'autre grave, liberté, liberté, liberté, liberté. France Inter, rendez-vous avec X. Dans l'histoire du sac de François Audigier, paru chez Stock, j'ai trouvé ces quelques lignes sur Pierre de Bizet, redevenu chef de l'organisation en 1969. L'autorité de Pierre de Bizet était absolue. Elle découlait autant de la confiance que lui accordait Jacques Foccart que de son charisme personnel. En attendant, l'homme qui dissimulait son regard vert derrière des lunettes épaisses et menait une discrète vie de père de famille dans son pavillon de Chaville aux portes de Paris, restait un inconnu pour la presse. Alors qu'il dirigeait une des organisations politiques les plus puissantes de la Ve République, on ne disposait d'aucune photo de sa personne. Il faudra attendre l'affaire d'Auriol en 1981 pour que son portrait soit diffusé dans les journaux. À la rentrée 1968, Pierre de Bizet, nomade et chargé de mission, qui sillonnèrent le pays et trouvèrent des arguments convaincants pour inciter les gens de l'extrême droite et les voyous, au casier trop lourd, à quitter le service d'ordre. Certains abandonnèrent le militantisme, d'autres réintégrèrent les mouvements nationalistes. Cette première purge ne fut pas très efficace. Beaucoup d'éléments douteux parvinrent à rester chez les gaullistes à la faveur de la campagne de juin 1968 et de la préparation de la rentrée universitaire. L'un des principaux artisans de cette épuration s'appelle Michel Coutan. Ce propriétaire terrien est un ancien avocat très proche de Pierre de Bizet. Et comme de Bizet, il a été un fervent sympathisant de l'Algérie française. Mais la chienlit de mai 68, comme disait le général, l'a poussé à rejoindre le sac. Ah ouais, lui aussi, c'était un homme d'ordre. Et un adversaire résolu du gauchisme. Installé dans la Mayenne, il avait commencé par établir des fiches sur les éléments subversifs. Marqué dans la Mayenne Ouais, qui ne devait pas être excessivement nombreux. En tout cas, selon de Bizet, il a réalisé un excellent travail. Et le patron du sac a eu l'idée d'envoyer cet adepte du fichage faire une tournée d'inspection dans les antennes régionales du mouvement. Tour de France, en somme. Oui, oui, muni de documents d'accréditation du ministère de l'Intérieur qui lui permettaient en particulier d'être reçu par les préfets. Coutan a donc commencé sa mission qui a consisté essentiellement à recenser les porteurs de cartes tricolores. Les busqués, enfin, ceux qui s'en servaient abusivement. C'est-à-dire essentiellement tous ces truands qui avaient profité des événements de 1968 pour rejoindre le sac. Mais Coutan a sans doute été trop zélé. Et un jour de mars 1972, on a retrouvé son corps qui flottait dans les eaux de la Mayenne. C'est un assassinat ? Très vraisemblablement. Cependant, contre toute évidence, l'enquête a conclu à une noyade accidentelle. Ah oui, mais pourquoi contre toute évidence alors ? Quelle idée aurait eu Coutan d'aller se baigner tout habillé dans la Mayenne au mois de mars, à des dizaines de kilomètres de chez lui ? En outre, fait très bizarre, le noyé portait des vêtements qui ne lui appartenaient pas. Non. Manifestement, Coutan a été noyé. Oui, tué quoi. Victime indirecte de l'épuration. En effet, oui. Ouais. J'ajoute que la police découvrira chez Coutan des armes, des munitions et des documents officiels, ce qui jettera une lumière un peu crue sur la vraie nature du sac, qui fonctionne comme un service parallèle, n'hésitant pas à recourir à l'action violente. Ouais. Mais est-ce que cet assassinat, parce que ça doit en être un, met un terme à cette volonté de purger le sac ? Non. N'oubliez pas que c'est Pompidou lui-même qui est à l'origine de l'entreprise. Et il y a fort à faire. Parce qu'au début des années 70, un certain nombre d'affaires vont entacher l'image du sac. Qui n'en avait pourtant pas besoin. C'est exact. Il y a d'abord l'affaire de l'ETEC. Vous avez déjà porté le sujet, non ? Oui, alors je résume. Ouais. Au centre de ce dossier, il y a un certain Lascors. Charles Lascors. Rappelez-moi qui était ce personnage. Lascors, disons-le brutalement, est un escroc et un voyou qui a même été proxénète. Un joli personnage, en effet, oui. Après avoir appartenu au groupe des barbous anti-OS, il propose ses services à quelques riches pieds noirs qui essaient de récupérer leurs capitaux restés en Algérie. Oui, ils s'assurent au passage. Naturellement. Certains de ces rapatriés ne reverront d'ailleurs jamais leur argent. Puis, ils montent une société de recouvrement de factures impayées. Une entreprise qui recours à la manière forte pour obtenir satisfaction. Mais surtout, il occupe des fonctions de responsabilité au sein du SAC. Il est en particulier délégué pour le Sud-Ouest. Toutefois, et sans doute à cause de ses activités professionnelles, il est mis à l'écart. Cependant, En 1968, il sera l'un des organisateurs de la grande manifestation gaulliste sur les Champs-Élysées. Un retour en grâce, donc. Mais Lascorze n'en reste pas là. Il utilise à son profit la structure du SAC pour effectuer de discrets transports de fonds vers la Suisse. Oui, il est toujours en 68. Là. Alors, il exploite la peur des possédants. C'est ça. Ouais, ouais. Et plus tard, il aidera d'autres citoyens fortunés à échapper au contrôle d'échange. Toujours vers la Suisse. Oui. Au fil des ans, Lascorze a constitué une petite équipe qui lui est dévouée, la bande à Charlie. C'est avec ces gens-là, qui ne sont pas plus scrupuleux que lui, que Lascorze crée sa petite entreprise, l'ETEC. Ce qu'il veut dire ? Études économiques, techniques et commerciales, si ma mémoire est bonne. Et quelle est sa raison sociale ? L'ETEC, tout en se livrant à un travail de fichage des gauchistes grâce aux relations de Lascorze avec la police et les milieux d'extrême droite, est officiellement chargé de faciliter les rapports des entreprises avec les administrations et les ministères. Très astucieux. Mais pourquoi ? Parce que ce travail de lobbying est toujours à la limite de la légalité. En fait, oui, en fait, c'est du trafic d'influence. Exactement. Donc ça laisse des traces. Et les techs en profitent pour demander de substantielles rallonges. Et là, c'est du chantage. Tout à fait. Et lorsque le client renacle, il est toujours possible de le menacer, de descendre à la cave où les gros bras de la bande à Charlie sauront trouver les moyens de le faire payer. Mais c'est de mieux en mieux. Hein. Je ne parle pas des relations de Lascorze avec les Zemmour. Ça, c'est les caïds juifs pieds noirs. Oui. Ouais. Autre point essentiel. Lascorze s'est aussi débrouillé pour infiltrer un ordre templier. L'une de ces obscures confréries qui délivrent contre monnaie sonnante et trébuchante des titres et des grades prestigieux, mais tout à fait fictifs. Des pompes à fric, quoi. Les techs, donc, sortent de nébuleuses. Oui, oui, ça permet à pas mal de membres du SAC de garnir leur portefeuille. Toutefois, ça ne plaît pas à tout le monde. D'abord parce que les techs devient une sorte d'État dans l'État qui a tendance à revendiquer son autonomie politique et envisage la création d'un parti. Ensuite, parce que l'existence même de cette entreprise devient de plus en plus compromettante pour le SAC, alors que le mouvement est engagé dans une entreprise de nettoyage. Et ce qui devait arriver, arrive. Les techs attirent l'attention de la police. Une dénonciation ? Très certainement. Mais ça pouvait être aussi très dangereux pour le SAC. Bon, rassurez-vous, policiers et magistrats auront le bon goût de ne pas s'apesantir sur les aspects politiques de l'affaire et la compromission de plusieurs policiers. Et finalement, Lascorze et ses amis n'ont été condamnés qu'à des peines ridicules. Parce qu'on ne voulait pas qu'ils parlent. C'est évident. Toutefois, l'affaire de l'ETEC n'a pas été la seule à montrer le SAC sous son vrai jour. À Marseille, par exemple, à l'occasion de querelles internes, on s'est aperçu que le service était entièrement sous la coupe du milieu local. Le journal Le Monde a même pu écrire qu'un cinquième des adhérents étaient des malfrats. Ça fait effectivement beaucoup. Et lorsque la police marseillaise a fini par arrêter une bande de braqueurs qui sévissaient dans la région et avait commis des dizaines de hold-up à main armée, on s'est aperçu qu'au moins 7 membres de l'équipe étaient des gens du SAC. Autre affaire, au moins aussi grave. Le fameux meurtre de Puy Ricard. C'est un nom qui me dit quelque chose, ça, rappelez-moi. Bon, je résume à grands traits. Le chef du SAC d'Aix-en-Provence, un nommé Padovani, s'était mis en tête de s'approprier l'héritage d'un vieux obro local. Pour arriver à ses fins, il a introduit chez le riche vieillard sa propre maîtresse, qui a gagné très vite la confiance et les faveurs de ce dernier. Mais une gouvernante, l'ancienne maîtresse de l'aristocrate, veillait. Et elle a entrepris d'ouvrir les yeux de son maître. Ouais, mais fatale erreur, n'est-ce pas ? En effet, car la malheureuse a été tuée au cours d'un faux accident de voiture. Mais ce qui est curieux dans cette affaire, c'est que, pour une fois, les autorités ont laissé la justice suivre son cours. C'est-à-dire que Padovani là, et ses complices ont été jugés. Et lourdement condamnés. Et que le rôle du SAC a donc été mis en évidence. Alors, comment vous expliquez tout ça ? Eh bien, je crois tout simplement que Desbizet s'est servi de cette affaire pour liquider un certain nombre d'individus qui faisaient tâche, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. La justice au secours de la volonté des dirigeants du SAC de faire place nette. Et c'était d'autant plus important que le ministre de l'Intérieur, Raymond Marcellin, cherchait toujours des prétextes pour obtenir enfin la dissolution du service. Mais il avait affaire à trop fortes parties et même les scandales de Lyon n'ont pas réussi à déstabiliser le SAC sur lequel Focard veillait toujours jalousement. Thank you. France Inter, Patrick Pénaud, Rendez-vous avec X, rediffusion. Le sac et les ordres templiers. On va en reparler avec Monsieur X. Un ancien du sac, Gilbert Le Cavelier, a raconté dans un livre paru chez Albin Michel comment Lascors a mis la main en 1970 sur l'OSMTJ, c'est-à-dire l'ordre souverain et militaire du Temple de Jérusalem. Je le cite. « Je suis chargé de court-circuiter par tous les moyens les partisans du régent da Sousa Fontes. Des procurations de commanderie favorables à ce dernier disparaissent. Des bulletins de vote sont remplacés par d'autres et certains délégués malvotants conviés à une promenade pendant le déroulement du vote. Peu habitués à ces méthodes musclées, les pauvres gens n'en reviennent pas. Mais Zdrojewski est élu à une très forte majorité. Pour fêter l'élection du nouveau grand maître, une messe est dite à l'église templière Saint-Nicolas-des-Champs, rue Saint-Martin. Et nous sommes reçus officiellement par l'adjoint du président du Conseil de Paris qui distribue médailles souvenirs et diplômes aux grands maîtres des ordres étrangers. La visite commentée de l'hôtel de ville est suivie d'un lynch. Ensuite, dépôt d'une gerbe au pied de la statue de Jacques Mollet au square du Vergalon. Le point fort de cette journée restera notre remontée des Champs-Élysées en grand uniforme de l'ordre, grande cape blanche frappée d'une croix rouge, avec Charlie Lascors à notre tête. Nouveau dépôt de gerbe sous l'arc de triomphe au cours d'une cérémonie officielle à laquelle assiste Camille Perret, responsable du sac pour les Pyrénées, bras droit de Pierre Messmer et futur trésorier de l'UDR, ainsi que l'amirant, secrétaire général à la jeunesse sous le régime de Vichy, et Meunier, député du 1er arrondissement, deux députés en exercice et une kyrielle de généraux, de colonels, etc. À la fin de l'été 1972, Pierre de Bizet décide d'envoyer l'un de ses hommes de confiance à Lyon. Il est en effet très inquiet, car le scandale menace. Un scandale qui pourrait emporter les deux chefs du sac pour la région. Le parrain occulte, le caïd du milieu, Jean Auger, dont nous avons déjà parlé, et le chef en titre, René Farge, un ancien commandant d'état-major des CRS. De quoi s'agit-il là ? Une histoire de bordel protégé dans laquelle sont compromis des policiers, des hommes du sac, et même un député de la majorité. Ah oui, c'est pas rien, quoi. Oui, car c'est du proxénétisme aggravé. Et l'atmosphère est particulièrement chaude à Lyon et dans la région du Sud-Est. L'envoyé de Bizet, qui bénéficie de la collaboration totale des renseignements généraux locaux, est à peine arrivé qu'un important truand est abattu. Un gangster, qui lui aussi appartient au sac marseillais dont il est l'un des responsables. Règlement de compte ? Forcément, à moins qu'on ait assisté à un assassinat politique. L'épuration toujours là. Pourquoi pas ? Car Jean Auger ne va pas tarder à subir le même sort. Auger qui savait beaucoup de choses. Par exemple, sur la destination réelle de l'argent volé à la poste de Strasbourg et aussi à celle de Mulhouse. Alors, ça ressemble à un nettoyage par le vide ? On peut en effet le penser. Alors, la suite. Le sac va encore se signaler par plusieurs autres actions violentes. Des attaques de piquets de grève, par exemple. Il y aura même un mort à Reims, un militant syndicaliste. Arrive à la même époque l'élection présidentielle de 1974. Mort de Pompidou, ouais. Le sac est alors très embarrassé. Son candidat naturel serait Pierre Messmer, un gaulliste pur sucre. Mais Jacques Chaban-Delmas lui coupe l'herbe sous le pied. Chaban-Delmas qui n'est guère apprécié par les gens du sac. Pourquoi ? Trop progressiste ? Oui. Et à droite, il y a aussi Giscard d'Estaing. Les gaullistes n'ont pas oublié le rôle qu'il a joué en 1969 lors du référendum raté. Oui, il accuse carrément d'être responsable du départ du général. Hein. Toutefois, vous le savez bien, Jacques Chirac, qui a la sympathie du sac et de Jacques Foccart, choisit lui Giscard d'Estaing. C'est une sorte de trahison pour certains gaullistes. Hein. Et le sac, tout en tordant le nez, se résout à soutenir Giscard d'Estaing, dont le service d'ordre est essentiellement composé de types d'extrême droite et d'anciens ORS. Alors, pour le sac, c'est un soutien minimum. Oui, oui, mais lorsque Jacques Chirac rompra avec Giscard d'Estaing et créera le RPR en 1976, le sac se trouvera derrière lui. Toutefois, c'est un mouvement vieillissant qui a perdu beaucoup d'adhérents, mais qui garde son pouvoir de nuisance. Il le prouve au cours de la campagne pour le second tour de l'élection présidentielle de 1981, où à l'instigation des dirigeants gaullistes, il joue contre Giscard d'Estaing. Vous vous souvenez des autocollants représentant des diamants collés sur les affiches giscardiennes ? Oui, parfaitement, oui. Eh bien, c'était les types du sac qui préféraient voir François Mitterrand élu plutôt que Giscard d'Estaing. D'ailleurs, pensait-il, Mitterrand ne pourra pas rester longtemps au pouvoir. Oui, seulement 14 ans. Ils ont donc pratiqué la politique du pire. Mais, ou de gribouille, comme vous voudrez. Car avec l'arrivée de la gauche, le SAC se voit soudain privé de ses soutiens traditionnels et surtout des protections policières et politiques dont il bénéficiait. C'est d'autant plus grave que le mouvement est miné par les rivalités internes. Et c'est particulièrement le cas à Marseille. On en arrive là au massacre d'Auriol. Hein. Une affaire qui n'a vraiment jamais été élucidée, même si les assassins ont été jugés et condamnés. Vous avez peut-être votre idée. Alors, encore un petit peu de patience. Au centre de l'affaire, il y a un inspecteur de police, Jacques Massier. Fils et petit-fils de policier, il a commencé modestement comme motard dans les CRS. Mais soudain, dans la deuxième moitié des années 70, il bénéficie de promotions exceptionnelles. Qui ne doivent rien à ses mérites ? Non, il est évident qu'il a des appuis politiques. En effet, ce militant du RPR est devenu un adhérent très actif du SAC. Si actif même qu'il prend du galon et devient le responsable départemental du service. Sous son autorité, le SAC continue à entretenir des liaisons dangereuses avec la pègre locale et se livre à de nombreux trafics. En fait, Jacques Massier entend profiter de sa position pour s'enrichir. Et ça paye, effectivement ? Ah, certainement. L'inspecteur peut ainsi s'acheter une bastide à Auriol, près de Marseille. Et il roule en Mercedes. Tout est bon pour faire de l'argent. Massier propose ainsi d'assurer la sécurité d'une grosse entreprise de la région. Il touchera le chèque, mais omettra de remplir son contrat, comme il détournera les cotisations des adhérents. Bref, il a tendance à confondre sa bourse et la caisse du SAC. Et à l'intérieur du mouvement, ça commence à grogner. Un homme, surtout, mène la fronde. Jean-Joseph Maria. Qui est celui-là, hein ? Cet artisan marseillais est l'adjoint de Massier. Ah oui, bah, il rêve de prendre sa place. Naturellement, ouais, calife à la place du calife. Ouais. Mmh. Et la rivalité entre les deux hommes va cesser de s'exacerber. Les deux chefs et ceux qui les suivent s'espionnent. Tout est bon pour abattre l'adversaire. Et ça va très loin. En février 1981, un restaurateur marseillais, membre du SAC, disparaît mystérieusement. On ne le reverra pas. Puis en mai, c'est le trésorier départemental du service, un proche de Massier, qui s'évanouit pour toujours dans la nature. Et ce sont des assassinats ? C'est certain. Et quelques jours avant, Massier lui-même affirme avoir été l'objet d'une tentative d'attentat sur une autoroute. Bien très chaud, hein. Et ça prend de telles proportions que le président du SAC, Pierre de Bizet, décide de se rendre à Marseille au début du mois de mai. Pour ramener l'ordre. Bon, on peut l'imaginer. Mais de Bizet rencontre le seul Maria dans un hôtel proche de l'aéroport de Marignane. Maria qui multiplie les accusations contre son chef. Détournement de fonds, chantage, fold-up, attentat à la bombe contre une imprimerie et un foyer de travailleurs immigrés. Et même, quelle horreur, flirte avec les giscardiens. Bref. Selon Maria, il faut mettre Massier hors d'état de nuire au plus tôt. Réaction de Debizet ? Ah, je ne sais pas, mais il a dû être sonné. D'autant plus que Maria lui a dit que Massier possède plusieurs documents compromettants sur le SAC. Ah, et ça, c'est encore plus inquiétant. En effet, oui. Alors, est-ce que c'est ce jour-là que la décision de liquider Massier a été prise ? Bah, on peut l'imaginer. Mais Debizet, qui était un homme prudent, n'a pas dû le dire aussi crûment. Ah ouais, il a usé d'une périphrase. Peut-être. Et il a certainement insisté sur un point capital, la récupération des archives de Massier. Il n'empêche que Maria a pris ça pour un feu vert. Et la victoire de la gauche le 10 mai va incontestablement précipiter les choses. Parce que le danger devient plus grand que jamais. Le beau-père de Massier est en effet proche des socialistes locaux. Et l'inspecteur pourrait être tenté de changer de camp et d'apporter un certain nombre de ses documents afin d'obtenir son absolution. Et c'est là qu'on va en arriver au massacre. Une tuerie aussi atroce qu'absurde. 6 morts au total. Absurde, oui, mais pourquoi vraiment ? Parce que Maria, tout en se gardant d'intervenir lui-même sur place, a envoyé chez Massier un commando de pieds nickelés. Pensant que l'inspecteur était seul dans sa bastide, ils se sont trouvés nez à nez avec sa famille. Sa femme, son fils de 8 ans, le couple de ses beaux-parents et un ami de sa sœur. Et pas Massier. Non, il était sorti. Et là, pris d'une sorte de panique, les membres du commando ont commencé à tuer systématiquement tous ces gens présents à l'intérieur de la bastide. À l'arme blanche, pour ne pas faire de bruit. Mais fondamentalement, alors, pourquoi ? Parce que tous les avaient vus, c'est tout. Et le malheureux enfant a été lui aussi massacré par un homme qui était instituteur et aimait ses élèves. C'est quand même insensé. Hein. Et Massier, alors ? Mais ils ont attendu son retour et ils l'ont tué, lui aussi. Donc, 6 morts, c'est ça. Alors que, selon le plan prévu, seul Massier devait être éliminé. Et ses documents récupérés, hein ? Ah, on ne sait même pas s'ils ont été découverts par les assassins. Quant à ceux-ci, ils ont commis tant d'erreurs qu'ils ne vont pas tarder à être arrêtés. Alors, les mobiles ? On a soulevé nombre de pistes. Massier aurait été mêlé à un trafic d'armes par l'intermédiaire de la célèbre loge italienne P2. Il aurait été aussi partie prenante de la lutte de Barbuzard contre les nationalistes corses. Ah oui, le Francia, c'est ça. Un mouvement qui avait des rapports très étroits avec des membres du SAC métropolitain. Et puis surtout, on a parlé de l'appartenance de Massier à un ordre templier, l'ordre du Temple de Jérusalem. Enfin, quelque chose comme ça. Oui, c'est vrai. Et tout à fait. Et les imaginations se sont excitées. D'autant qu'il y avait eu le précédent de Las Corse, qui avait infiltré ce même ordre templier. Oui, on a parlé, ouais. Et lorsqu'on a découvert beaucoup plus tard les suicidés, donc, ou prétendus tels, des adeptes du temple solaire, certains se sont rappelés le massacre de Riol et n'ont pas hésité à lier les deux affaires. Et à votre avis ? Fantasme. Même si, et c'est très troublant, les deux affaires n'ont pas été élucidées et que les vrais mobiles n'ont pas été éclaircis non plus. Il y a quand même des doutes, alors. Alors, maintenant, pour revenir au seul massacre de Riol, quelle hypothèse pouvez-vous formuler ? Il est à peu près sûr que De Bizet qui sera inquiété. Hein. Mais pas très longtemps. Donc je pense que le président du SAC a réellement demandé à Maria de faire en sorte que Massier se calme ou ne soit plus en mesure de créer des difficultés au SAC. Ce que Maria traduit par « il faut liquider Massier ». Oui, mais l'intention de De Bizet était peut-être plus machiavélique. Le SAC marseillais était devenu un vrai nœud de vipère, une organisation ingérable. Et puis il y avait toutes ces mystérieuses disparitions. Car il faudrait en évoquer une autre, celle d'un autre membre du SAC, le directeur de cabinet de René Lucet. Oui, c'est le directeur de la Caisse d'assurance maladie de Marseille. Oui, hein. Oui, l'homme qui a réussi l'exploit de se suicider de 2 balles de revolver. Alors, il est très possible que De Bizet ait agi comme il l'avait déjà fait dans l'affaire de Puy-Ricard, en se débrouillant pour que la justice le débarrasse de tous ces personnages douteux. Mais ça n'est là qu'une hypothèse. En tout cas, ça vaudra au SAC sa dissolution en 1982. À samedi prochain, je vous rappelle notre site internet franceinter.com, un site qui vous permettra de réécouter certaines émissions un peu plus anciennes. Et puis je remercie Michel Billou, Irène Menahem, Rebecca de Nantes et Monsieur Joub. Et je vous rappelle aussi qu'il existe des CD de Rendez-vous avec X dans le commerce.